Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid eddin Attar. Chapitre 52. De la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, de la vie spirituelle et contemplative, car c'est ce que signifie, dans le langage des orientaux, la connaissance de Dieu. On appelle un contemplatif, celui qui connaît Dieu très haut. Mon cher fils, l'âme et la vie de ton père, travaille à acquérir l'habitude de la contemplation, afin que tu parviennes à la connaissance du Dieu que tu adores. Celui qui connaît véritablement Dieu par la contemplation, est convaincu que la véritable existence consiste dans l'anéantissement. Sans cette connaissance, l'homme n'est point vivant, il n'est pas digne d'approcher de Dieu. Quiconque ne l'a point acquise, n'obtiendra pas le but de ses désirs. Si tu connais bien ton âme sujette aux passions, tu connaîtras le Dieu très haut et libéral dans ses dons. Celui-là seul possède la vraie science, qui connaît Dieu, et quiconque est privé de cette connaissance, ne mérite pas d'être compté parmi les humains. L'homme qui possède la connaissance a le cœur plein d'un amour sincère et constant, toutes ses actions sont pures et sans tache. Il n'y a plus de place que pour Dieu seul, dans le cœur de celui qui a reçu de sa grâce le don de la contemplation. À ses yeux, les biens du monde ne sont d'aucun prix, il fait plus, il ne jette jamais un regard sur lui-même. La contemplation consiste à disparaître et à s'anéantir devant Dieu. Comment celui qui ne s'anéantit pas tout entier, pourrait-il atteindre à cette perfection? Le contemplatif ne s'occupe ni de ce monde, ni de la vie future, il est insensible à tout ce qui n'est pas son Seigneur, toutes ses facultés sont absorbées dans le désir de l'union avec son Dieu. Parce qu'il est tout à fait anéanti par un renoncement absolu à lui-même. Je vais t'apprendre à quoi ce monde ressemble, il est semblable au fantôme que voit un homme durant son sommeil, lorsqu'il est éveillé, il ne lui reste aucun profit de ses douces illusions. De même aussi lorsque la mort vient terminer la vie de l'homme, il n'emporte rien avec lui des biens dont il a joui dans ce monde. Celui-là seul qui a fait de bonnes œuvres pendant sa vie, les aura pour compagne dans la route de l'éternité. Envisage ce monde comme une belle femme qui se pare en présence de son mari, elle le serre entre ses bras et le flatte sur son sein, elle emploie avec lui mille artifices et mille caresses simulées, mais, si elle trouve son époux endormi, elle profitera de cet instant pour lui donner la mort. Homme vertueux, fais-toi un devoir de te tenir toujours en garde contre les artifices d'une telle séductrice. L'auteur d'un petit traité sur les devoirs des soufis, devoir qu'il divise en 40 degrés, se demande comment on parvient à atteindre cette haute perfection. Voici de quelle manière il s'exprime. Comment, enfin, obtiendra-t-on ces 40 degrés que nous venons d'exposer? Le premier degré pour les hommes qui marchent dans la voie, c'est-à-dire, pour les disciples de la vie spirituelle, c'est la loi. Le second, la voie. Le troisième, la réalité. Il y a lieu d'espérer, après cela, que l'homme arrivera jusqu'à la lumière de la connaissance, et en sera illuminé, s'il plaît à Dieu. Suivant Graham, Transactions de Literary Society of Bombay, la loi c'est l'observation littérale des lois de la religion, la voie c'est le culte en esprit et en vérité, opposé à la lettre. La réalité, c'est une sorte de philosophie qui, s'élevant au-dessus des préceptes de la religion et du culte spirituel, considère les choses dans leur essence, c'est un état d'intuition, surnaturel et extatique. Enfin, la connaissance, c'est l'union intime de l'âme avec Dieu, union qui produit un quiétisme parfait. Toutefois, cette échelle de la vie religieuse et spirituelle se subdivise encore en un grand nombre de degrés, comme on le verra bientôt, et les mêmes mots expriment tantôt une division principale, tantôt une subdivision, ce qui augmente beaucoup l'obscurité d'une matière déjà si obscure par elle-même. Le scoliaste turc cite ici plusieurs vers du poème mystique de Feridettin Attar, intitulé « Le langage des oiseaux », chapitre « La topographie de la route mystérieuse ». Voir à la racine du site, ou, à, archive.org/détails/mark_m_dan. Chapitre 53. Avantage d'une scrupuleuse délicatesse de conscience. Mon fils, affermis-toi dans une crainte scrupuleuse des commandements de Dieu, si tu veux mériter une juste estime. Cette crainte scrupuleuse élève l'édifice de la religion, les désirs sensuels le renversent. Quiconque veut avancer dans la connaissance de cette vertu, doit s'éloigner de tout ce qui n'est pas Dieu. La délicatesse de la conscience produit la crainte de Dieu, celui en qui elle ne se trouve point, tombera dans la souillure du péché. L'homme qui s'est accoutumé à régler sa conduite par les impressions d'une conscience timorée, n'a d'autre vue que de plaire à Dieu, dans le repos comme dans l'action. Sache que celui qui aspire à être aimé de Dieu, n'a qu'un amour faux et mensonger, s'il n'est point animé de cette crainte scrupuleuse. En quoi consiste la véritable dévotion? Elle consiste à s'abstenir dans la nourriture, la boisson et le vêtement, de tout ce qui est défendu, et des choses que désirent les passions. Tout ce qui est superflu, quoique permis, est un péché aux yeux d'une âme timorée. Si la crainte de Dieu est jointe en toi à la science et à la pratique des bonnes œuvres, il faut encore, outre cela, que ta piété soit sincère et parfaite. Car, dit la glosse turque, la piété sincère est la racine de l'arbre de l'obéissance et du culte de Dieu. Serviteur de Dieu, si tu as commis une faute par inadvertance, fais-en pénitence aussitôt, et demande-en le pardon. Puisque ton péché est présent, comme une somme que l'on paie comptant, une pénitence différée, semblable au prix d'un marché fait à crédit, ne te serait d'aucune utilité. Tarder à faire pénitence, est une erreur, car c'est compter sur la vie, sur un espoir incertain et trompeur. C'est-à-dire, la pénitence doit suivre immédiatement le péché. C'est comme un marché, si l'une des deux parties traite comptant et livre sa marchandise, l'autre ne doit point traiter à crédit. Suivant ce vers persan, à propos de compter sur la vie, sur un espoir incertain et trompeur. Jeune et chanson, objet de nos désirs, nous sommes, en t'attendant, sur les lèvres, c'est-à-dire sur le rivage, de l'océan de la mort, saisis au plus vite l'occasion, car de la lèvre jusqu'à la bouche il n'y a pas loin. Chapitre 54. Des avantages de la dépendance. Mon fils, choisis, autant que tu le peux, l'état de la dépendance, c'est le moyen de conduire tes désirs à leur but, comme l'on gouverne un cheval assujetti sous le harnais. Lorsqu'un serviteur obéit à Dieu, la voûte même des cieux se consacre à son service. Celui qui met autour de ses reins la ceinture de la dépendance, est à l'abri de la malice et des dangers du monde. Le Tout-Puissant accorde les richesses et la gloire à celui qui sert ses élus et ses favoris. Ceux qui auront vécu dans la dépendance, auront une demeure dans le jardin de délices. Au jour où tous les mortels comparaîtront devant le souverain juge, ceux-ci ne seront point tenus de rendre compte de leurs actions, et ils seront exempts de châtiment, ils deviendront alors les intercesseurs de leurs frères, et ils tiendront un rang distingué parmi les habitants du monde futur. Un tel serviteur, fût-il rebelle et pécheur, vaut encore mieux que 100 dévots avares. Le Tout-Puissant donnera à ceux qui auront vécu dans la dépendance, la récompense promise aux jeûnes et aux veilles. L'homme qui se sera soumis au joug du service, recueillera tous les fruits de l'arbre de la contemplation. Le Seigneur lui accordera la jouissance du paradis, et la récompense promise à ceux qui auront perdu la vie en combattant pour la religion. Feriddin Attar, dans le langage des oiseaux, explique ainsi les motifs qui doivent porter les hommes à servir les religieux et les maîtres de la vie spirituelle. Après avoir comparé Dieu à une mère qui avait retiré son nourrisson des eaux d'un torrent qui l'emportait, et s'était empressé de lui présenter le sein et de le serrer entre ses bras, il s'exprime en ces termes. Ô toi dont la tendresse surpasse 100 fois l'amour maternel, le gouffre où nous sommes tombés est un immense abîme d'eau, ce gouffre n'est autre que le monde. Après être tombé dans ce gouffre de stupeur, dans cette mer de soupirs, nous sommes restés comme cet enfant au milieu des eaux, hors de nous, et remuant la main et le pied dans le trouble qui nous agite, sans savoir ce que nous faisons. Être plein de tendresse pour les enfants qui marchent dans ta voie, jette en ce moment, par un effet de ta bonté, un regard sur les tiens qui sont submergés. Daigne avoir pitié de notre cœur qui souffre les plus vives angoisses, et, par l'excès de ta générosité, arrache-nous à ces eaux qui nous entraînent. Fais-nous sucer le lait du sein de ta libéralité, et ne retire pas de devant nous la table de ta bienfaisance. Ô toi, que l'homme ne peut ni décrire ni comprendre, et dont la sainteté surpasse de beaucoup tout ce que les mortels peuvent en dire, personne n'a pu étendre la main jusqu'aux sangles de ton coursier, aussi sommes-nous réduits à être la poussière de ta poussière. T'es plus pur, tes plus fidèles amis sont devenus ta poussière, le reste des mortels est devenu la poussière de ta poussière. Quiconque n'est pas humble comme la poussière à l'égard de tes saints, est certainement l'ennemi de tes amis. Chapitre 55. Des égards et du respect que l'on doit avoir pour les autres. Mon frère, traite tes autres avec honnêteté, afin que tu aies part à la miséricorde du Dieu de bonté. Le Seigneur ouvre la porte de la miséricorde au fidèle qui reçoit ses hôtes avec générosité. Quiconque n'exerce l'hospitalité qu'avec chagrin, déplaît à Dieu et à son apôtre. Le fidèle qui rend à ses hôtes les services dont ils ont besoin, se rend digne des faveurs du Dieu de miséricorde, qui répandra des bienfaits sans mesure sur l'homme qui exerce l'hospitalité avec un visage gai. Reçois tes hôtes sans cérémonie, afin que l'exercice de l'hospitalité ne te devienne pas pénible. Un hôte est un don de la libéralité de Dieu. Celui qui se cache pour ne pas le recevoir, n'est digne que de mépris. Ne te rends point importun par un esprit querelleur et hargneux. Quand tu viens t'asseoir à la table d'autrui, ne te dérobe point à celui qui vient te demander l'hospitalité. Quel que soit celui qui se présente chez toi, grand ou petit, offre-lui à manger. Apporte devant le pauvre, ô mon fils, une portion de ce que tu possèdes, soit que tu aies beaucoup ou peu de fortune. Sers du pain, pour l'amour du Seigneur, à ceux qui ont faim, afin que le Seigneur te donne une place dans le séjour éternel du paradis. L'Éternel accordera son secours, dans ce monde et dans l'autre, à celui qui aura jeté un vêtement sur la nudité du pauvre. Si tu donnes au nécessiteux le secours dont il a besoin, la couronne de la félicité reposera sur ta tête. Celui qui est destiné au bonheur par la faveur du sort, fait le bien en public et en secret. Mon fils, ne mange jamais le pain de l'avare, ne t'assieds point à sa table. Le pain de l'avare n'est que chagrin et angoisse, le pain de l'homme généreux est une source de santé et de joie. Ne va point t'asseoir à une table étrangère, sans y être invité, garde-toi d'imiter le vautour qui court après un cadavre infect. N'attends rien de bon d'un homme vil et abject, abstiens-toi de sa maison comme d'un toit qui menace ruine. Si tu fais quelque bien, ne t'en attribue pas la gloire. Dans tout ce qui tombe sous tes yeux, ne vois jamais que le bien, et n'aperçois point le mal. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.